C'était Viande Rouge avec Street Destiny ici à Sous-Pression aux ondes du CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu et comme je viens de mentionner, l'émission s'appelle Sous-Pression. Je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. Et comme je mentionnais, on a commencé l'émission avec Viande Rouge, c'est de leur EP éponyme, la chanson Street Destiny, un excellent groupe de la France. Après, je vais continuer en musique, sans trop tarder, je vais faire jouer une chanson par le dernier album studio de Brigada Flores Magón, la chanson Ils veulent nous tuer. Et je vais faire une petite dédicace spéciale à Steven, mon père. C'est sa fête dans deux jours, alors je voulais lui souhaiter une bonne fête. Et je fais jouer une chanson de Brigada Flores Magón de cet album-là parce que c'est mes parents qui me l'ont acheté quand ils sont allés faire un voyage à Paris il y a quelques années. Je leur ai demandé, ils m'ont demandé si je voulais quelque chose. Je leur ai dit, je veux l'album, le nouvel album de Brigada Flores Magón. Et ils ont réussi à me le trouver. Alors, j'étais bien content qu'ils ont réussi à le trouver. Alors, je vais faire jouer une chanson de cet album-là. Pour mon père, qui est sa fête dans deux jours, j'espère que ça ne lui dérangera pas, que je vais dire à tout le monde qu'il va avoir 55 ans. Alors, mais il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air d'une journée plus que 54. Alors, c'est ça. Je souhaitais ça. Je dédiais cette chanson-là à mon père, Steven, Steve. Alors, bonne fête. On va se voir bientôt. Alors, voici Brigada Flores Magón aux ondes de Sous-Pression. Méfie-toi de ceux qui te disent que tu rêves d'entendre. Fie-toi même de ceux qui font ce que tu rêves de faire. Nous n'aurons ce que nous serons preux. Avant de construire, il faudra détruire. Tant pis pour la morale. Le pouvoir ne vaut que s'il est contrôlé. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Soit tu suis, soit t'as la rage, ou soit tu plies. L'ignorance empire est nue, le savoir est une arme. Allons sonner l'alarme, allons sonner l'alarme. Ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer, ils veulent nous tuer. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Pas d'évolution sans révolution. On fait partie du problème ou de la solution. Pas d'évolution. Salut, c'était... On avait écouté Les Ordures Organiques avec Pyromane de leur démo intitulé Qui shake la bouteille récolte le bouchon. On va s'en écouter du Street Kids avec Tu ne trahiras pas de leur album Back in the Days. C'était avant ça, Brigada Flores Magan, ils veulent nous tuer de leur album Tout pour tous. C'est cette chanson-là, une petite dédicace. Dédiée à mon père, c'est sa fête dans deux jours, alors bonne fête. N'oublie pas, je m'en viens chez nous au mois de février pendant un mois. Puis, je t'achèterai une bière à l'autre œil. C'est promis. Je ne sais pas s'il écoute. J'espère qu'il écoute pas, parce que je vais peut-être oublier ma promesse de lui acheter une bière. Mais en tout cas, c'est ça. Je vais continuer avec du General Fools, de l'album Total Fools. La chanson Le Feu, c'est une chanson que j'aime bien. Je pense que c'était General Fools, c'est un groupe qui a vu le jour pendant les années 90. Je suis pas mal certain qu'il venait de Sherbrooke. Je crois que c'est un groupe de Sherbrooke. En tout cas, c'est un bon groupe, puis je vais faire jouer une chanson par General Fools, puis je pense que j'ai le goût là, de faire jouer un petit bloc par des groupes avec des chanteuses, des chants féminins. Alors, c'est ce que je vais faire. Faites ça avec les ordures organiques. Je vais faire ça avec General Fools. Alors, voici Le Feu par General Fools à sous pression. C'est correct. Et ce sigle, c'est une Salut, vous écoutez toujours Sous Pression aux ondes CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu et je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore tout en français. Et comme on est rendu à la moitié, à mi-chemin de l'émission, je vous rappelle, c'est le temps, en fait, à chaque semaine je fais ça. Je vous rappelle que l'émission a un site web, vous pouvez écouter l'émission à chaque semaine en direct à partir du site web, c'est le www. En fait, c'est pas en direct, c'est une version pré-enregistrée. Et vous pouvez écouter ça le www.souspression.wordpress.com. www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez bien sûr écouter l'émission, vous pouvez la télécharger gratuitement, vous pouvez aussi voir la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine et vous venir à jour un peu sur ce qui se passe dans le monde du punk, du ska et du hardcore francophone. On a aussi une présence sur Facebook, si vous êtes sur Facebook, facebook.com/souspression. Faites une petite recherche et aimez la page. Et je mets des liens vers l'information un peu concernant le monde du punk, du ska et du hardcore francophone. Et bien sûr, si vous voulez nous contacter, vous pouvez faire ça sous pression à commercial chry.fm, sous pression à commercial chry.fm, ou est-ce que c'est aérobas? Je toujours mêlé, j'entends toujours les deux à commercial et aérobas. En tout cas, c'est ça, sous pression commercial chry.fm. Si vous faites partie d'un groupe, vous voulez partager votre musique, vous pouvez faire ça en nous envoyant soit d'ici des copies, une version MP3 électronique de votre musique, ou si vous voulez plus d'informations, vous voulez nous envoyer quelque chose par la poste, vous pouvez faire ça aussi. Allez visiter envoyez-nous un courriel ou visitez le site web de CHRY, c'est le www.chry.fm pour plus d'informations là-dessus. Alors, avant de continuer en musique, je vais faire un petit retour sur le bloc qu'on vient d'écouter. On vient d'écouter du Brigitte Bop, la chanson Ma Bonne Étoile, de leur album Pogo à Chicracland. Ça fait bien longtemps que cet album-là est sorti, je pense que c'est en 96. Alors, ça fait plus que 15 ans. Berry Boots avant ça avec Louve Garou, La Gâchette avec Insoumission de leur album Ne renoncera pas. La Gâchette sort cette année, sortir un album et un DVD, alors ça a l'air intéressant. Jeunesse Apatride avant ça avec Ce n'est pas un jeu, et on a commencé avec Le Feu par General Fools de Total Fools, leur discographie, une compilation de toutes leurs chansons. Alors je continue en musique maintenant avec les Breastfeeders, l'album sorti en 2004, Déjeuner sur l'herbe. Je vais faire jouer, c'est la 9e chanson de l'album, Il n'y a rien à faire. Alors voici les Breastfeeders à sous pression. We'll be right back.

bouleversement qui s'achète sur tous les bancs. Renseignement. C'était Banlieue Rouge avec Sentinelle, de leur album Engrenage ici, à sous pression. Alors, l'émission tire malheureusement à sa fin, mais avant de terminer, je vais faire un petit retour sur les chansons qu'on vient d'écouter dans le dernier bloc. On a commencé avec les Breastfeeders, il n'y a rien, les secrétaires volantes après ça avec Power Ballade de leur album Thermoplastique. Les Vieilles Salopes avec Marie, après ça on a écouté La Souris Déglinguée avec Dernier Pogo à Paris de leur album Aujourd'hui et Demain. Marabouts, après ça, Souvenir de leur EP éponyme. Et Marabouts vont sortir, je pense, ils anticipent sortir bientôt un split avec le groupe allemand. Je crois que c'est un groupe allemand. C'est un peu 98. Ça a l'air d'être super intéressant. En fait, ils ont mis de l'information sur leur site Facebook. Alors, si vous êtes sur Facebook, faites une recherche pour Marabouts. Vous allez voir l'information. Je vais peut-être mettre l'info ou en tout cas partager le lien sur le site de Facebook de Sous Pression, alors facebook.com/sous-pression. Et on vient d'écouter Banlieue Rouge, bien sûr, avec Sentinelle de leur album Engrenage. On va se laisser avec une dernière chanson par John Seigneur de leur album Tonnerre de Brest. C'est la chanson Tonnerre de Brest, mais nous autres, on se revoit la semaine prochaine. Soyez bien à l'écoute. En attendant, entre-temps, écoutez allez visiter le www.souspression.wordpress.com et je vous laisse avec John Seigneur, Tonnerre de Brest. Oups, Tonnerre de Brest. Ici, à Sous Pression, prenez soin de vous.